j'ai le très grand plaisir, nous avons le très grand plaisir collectif d'accueillir François Julien aux rencontres. Et moi, c'est un très grand bonheur chaque fois de le rencontrer, de m'entretenir avec lui. Il accompagne ma vie depuis 30 années. Je sais que je ne suis pas le seul et que dans cette salle, d'autres personnes partagent mon admiration. Et en même temps, nous sommes nourris par cette œuvre qui nous porte, qui nous a éclairés, et à un rythme soutenu, puisque chaque année, avec une régularité de pommiers produisant ses pommes, François nous donne... nous donne un nouvel ouvrage. Par exemple, il y en a deux à paraître en janvier prochain. Et voilà, il est très, très régulier et toujours novateur et surprenant dans ce qu'il donne à lire. Son œuvre progresse par tuilage, n'est-ce pas ? Chaque œuvre s'appuie certes sur l'œuvre précédente. On sent très bien la continuité, mais on sent aussi, non moins fortement, l'exploration des ressources et de tout ce que lui donne à penser cet écart qu'il a fait initialement en quittant l'Europe aux anciens parapets pour séjourner en Chine, en apprendre les langues, en étudier les textes. Et depuis cet observatoire ou cet autre monde, eh bien, comme un point d'Archimède, ça donne un levier pour soulever l'ancien monde. À partir de la Chine, François nous aide, ses lecteurs, à mieux comprendre à quel point nous sommes confinés. Je crois que c'est le terme qui s'impose aujourd'hui. Nous sommes confinés en langue, dans la culture judéo-chrétienne, dans cet Occident que nous prenons pour l'entièreté de la planète, alors qu'il y a tant d'autres possibles, tant d'autres façons de penser. Et notamment de penser le temps. Et sur le temps, François a écrit en 2003, je crois, cet ouvrage « Du temps, élément d'une philosophie du vivre » chez Grasset, je pense qu'on le trouve sur la table. Et François, toujours très attentif à l'acuité des mots, part bien sûr de la... surdétermination du mot temps en français, là où l'anglais, par exemple, weather et time, connaît deux termes pour dire le temps qui passe, la durée, time, et weather, le temps qu'il fait, la météorologie. Et il nous invite dans ce livre à penser ce que serait un temps saisonnier, un temps météorologique, un temps qui ne surplomberait plus les interactions que nous avons entre nous et avec la nature, mais un temps qui serait immanent. Et c'est par excellence le temps des saisons. Et il a sur les saisons, sur la saisonnalité, il a des pages, pour moi, merveilleuses dans ce livre, des pages où il nous rappelle à quel point être un sujet, c'est être immergé. Être un sujet, c'est être un diapason. Et on n'est pas le même sujet au printemps, à l'automne, l'été, l'hiver, le jour, la nuit, 3 heures de l'après-midi. Dans un de tes livres récents, il y a des pages savoureuses sur le temps étal de 3 heures de l'après-midi. La catastrophe de 3 heures de l'après-midi. L'étal opposé à l'essor dans sa typologie familière. Alors, moi, j'ai pensé, relisant ces pages sur les saisons, à une admirable formule que nous rapporte Valérie dans son livre que j'ai lu quand j'étais en Cannes il y a fort longtemps, qui est intitulé, je crois, « Je disais quelquefois à Stéphane Mallarmé ». Valérie se rend à Valvin chez son maître Mallarmé et celui-ci a cette phrase que je me suis souvent répétée par ces journées saisonnières et je pense François reconnaîtra quelque chose de l'expérience qu'il a faite hier en gravissant la montagne de Champs-Rousse jusqu'à la croix de Champs-Rousse, passant par le lac Robert. À l'heure où nous étions ici en conférence, François crapahutait et folâtrait dans les couleurs de l'automne. Et on n'est pas saisonnier, sinon il faut profiter de cette splendeur extérieure. Et Mallarmé dit à Valérie, en septembre, c'est le premier coup de cymbale de l'automne sur la terre. Et j'avoue que cette phrase, je me la suis souvent répétée. dans les journées d'automne, quand nous gravissons les sommets, quand nous regardons les premiers frissons, ou devant une toile de Corot, par exemple, ou de Berthe Morisot. C'est le premier coup de cymbale. Certains peintres ont été attentifs à saisir ce frissonnement, là, ce caractère poreux de la saison qui nous transit. Et c'est une toute autre position du sujet, une toute autre position du rapport au monde que celle que nous avons en Occident. Alors peut-être Mallarmé a capté dans cette phrase quelque chose de chinois, mais je vais laisser François et vous y rêver. En tout cas, je suis très, très confiant de ce que nous allons entendre, une belle conférence et qui va retentir dans notre environnement saisonnier. Cher François, je te passe le micro. Merci de cette invitation. Merci, Daniel, de ta présentation toujours aussi amicale et éclairante. Si j'ai bien compris, le thème de cette rencontre cette année, c'est le temps et le temps dans la disponibilité qu'on en a. Avec cette idée que, voilà, on manque de temps et qu'il faudrait peut-être avoir une autre perception du temps pour être plus sage dans notre usage du temps. Alors, j'irai vers cela, le concept de disponibilité, que je poserai à un autre qui est celui de devancement. Soit on va de l'avant, on devance tout le temps, et donc on est à la précipitation, soit qu'est-ce que serait l'attitude inverse de disponibilité. Mais avant d'en venir là, je vais sinuer un peu, et d'abord m'interroger sur ce terme de temps, et me demander même si il est justifié. Si, bien sûr, si je vous dis aujourd'hui, retirez le mot de temps de votre pensée, ça fera un trou, un manque. On ne saura plus comment penser. Et néanmoins, c'est la question que je voudrais poser. Est-ce qu'on peut se passer de penser le temps? Alors, Daniel a gentiment rappelé que je suis philosophe, donc je viens des Grecs, mais j'ai eu tôt le soupçon de ce que quand on dit « nous sommes héritiers des Grecs », on ne sait pas vraiment ce qu'on dit. Et que cet héritage des Grecs, dont est chargée la philosophie, elle n'est que cela, n'est-ce pas? Le déploiement de cette pensée grecque, et d'abord du verbe être, qui a porté cette pensée. Quand nous disons nous sommes héritiers des Grecs, qu'en savons-nous tant qu'on n'en est pas sorti? Et j'ai fait le choix donc d'en sortir, en cherchant un ailleurs. Un ailleurs que je suis allé chercher en Chine, tu l'as dit, de la langue, de toute l'immense littérature chinoise, pour avoir un point de recul, un point d'interrogation, et disons, voir comment on peut penser dans un cadre de pensée ou dans une tradition de pensée ou dans une langue de pensée qui ne soit pas la nôtre en Europe. Donc un dépaysement, si vous voulez, avec ce sentiment étrange de qu'est-ce que c'est que dépayser la pensée? Quel est cet ébranlement? Et aussi, quel est, alors, tu as dit levier, c'est-à-dire cette possibilité de ce point de dehors, d'extériorité, eh bien de déranger notre pensée. Et c'est ainsi que j'ai essayé de cheminer et que je vais essayer de le faire ce matin rapidement devant vous. À propos de la question du temps. D'abord, il faut se demander pourquoi nous pensons dans ce terme-là. Et se souvenir, parce qu'on n'a pas pu écrire une phrase plus forte que celle-là sur le temps, vous la connaissez, la grande phrase d'Augustin, quand il dit ceci, je vous la lis parce qu'elle est définitive. Qu'est-ce donc que le temps? C'est dans les Confessions, avant qu'Augustin ne réfléchisse sur la création du monde. Donc avant la création, qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce que c'était dans le temps ou pas dans le temps? Avant la création, est-ce que c'est la création qui a ouvert le temps? Ou est-ce qu'il y avait du temps avant? Mais alors, d'où venait ce temps-là? Donc, Augustin a dit une phrase définitive. Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Donc le temps nous vient toujours à la bouche. Mais savons-nous ce que nous disons quand nous disons le temps? Vous me suivez? Bon, jusqu'à présent, ça marche. Je continue. Je continue pour me dire, au fond, qu'est-ce qui a fait que nous avons pensé le temps à partir des Grecs? Je vais aller très vite. Je crois qu'il y a trois entrées à la pensée du temps. Une première, qui est la physique. Ça, c'est Aristote. C'est que les Grecs ont fait le choix, étrange, de penser la physique, la physis, la nature, en termes de corps, et donc de corps en mouvement, et le temps, c'est ce qui compte, eh bien, le déplacement des corps dans la nature. Donc, c'est ce qui fait que, la définition d'Aristote du temps, c'est le nombre du mouvement, entre l'avant et l'après. Cette idée des Grecs que, au fond, la première expérience du temps, l'expérience physique, c'est qu'on va d'un point A à un point B. Et que d'allant d'un point A à un point B, ben, ça prend du temps et on va compter ce temps du déplacement. Ça, c'est l'entrée grecque du physique du temps. La nature, ce sont des corps, ces corps sont en mouvement, et donc on va prendre en compte et le lieu de déplacement, c'est l'espace, et le temps comme le nombre du mouvement selon l'avant et l'après. Bon, c'est une évidence. Ceux qui ont eu la physique d'Aristote savent cela. Mais c'était un choix grec que de penser la nature en termes de corps, et donc de corps en mouvement. Si je prends du recul et je passe par la pensée chinoise, je me rends compte que non. Les Chinois n'ont pas abordé la nature en termes de corps, mais en termes de facteurs, de vecteurs d'énergie, le fameux yin et yang que vous connaissez tous, n'est-ce pas ? Donc, ne pensant pas en termes de corps, et donc de corps en mouvement, pensant en termes de facteurs, vecteurs d'énergie, ils ne rencontraient pas la pensée du temps. Seconde entrée de la pensée du temps chez les Grecs, non plus physique, mais comme on dit, métaphysique, c'est le temps opposé à l'éternité. Au fond, on a deux régimes. Le régime de l'être, qui lui est l'éternel, dans son identité, rien ne change. Et puis, l'autre, le devenir. Et donc, le temps se pense par rapport au devenir, à l'encontre de l'éternité de l'être. C'est ce que vous trouvez dans Platon, dans Plotin. Il y a une chute de l'être, l'éternel, une chute dans le temps du devenir, le temps des générations et des corruptions, de ce qui n'est pas, qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de stabilité. Donc la seconde entrée du temps, c'est l'entrée métaphysique par opposition à l'éternité. Là encore, je dirais que c'est un choix de la pensée, puisque les Grecs, et c'est nous à partir d'eux, nous pensons dans les termes de l'être. Être ou ne pas être ? Être, néant, n'est-ce pas ? Dans cette opposition fondamentale, et ce qui fait l'être, c'est sa détermination. C'est le grand choix grec de la pensée, le verbe être. Personnellement, ce qui m'a conduit à m'intéresser à la langue chinoise, c'est quand j'ai appris qu'il n'y avait pas de verbe être en chinois. On peut dire « je suis là », la prédication, mais pas « je suis ». Je suis ou je ne suis pas. To be or not to be. Être et néant. Alors, retirez « être et néant » de votre esprit, vous voyez, quelque part, il y a une sorte de d'ébranlement qui se fait si on décroche de ce verbe être qui dit « je suis l'identité, la stabilité », bref, ce qui s'opposerait au régime éphémère du devenir et donc du temporel. Là encore, écart que nous propose la pensée chinoise, puisque s'il n'y a pas de verbe être, on n'a pas pensé non plus le devenir comme opposé à l'être, et donc on a pensé quoi ? Les transformations continues du monde, cette sorte de respiration cosmique ou personnelle, n'est-ce pas ? Cette sorte de respiration de régulation continue du monde, de la vie en général, et donc sans opposer du devenir éphémère et l'éternel stable. Et donc on ne pense pas en termes d'éternel opposé au devenir, mais de constant. Tout est en transformation, mais il y a des modes de constance au travers de cette transformation qui sont l'harmonie, la régulation, ce qui fait que c'est toujours équilibré et non pas en train de chavirer. Donc cette entrée métaphysique du temps, là encore, c'est un choix de la pensée. Quand je dis choix, ce n'est pas pour le relativiser, c'est simplement pour l'interroger, pour me dire que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas propre à tout esprit humain, ce sont des choix de la pensée qui ont leur fécondité, mais il peut y avoir d'autres. Enfin, la troisième entrée, je vais très vite, dans la pensée du temps en Europe, c'est que nous conjuguons. Et donc, nous avons une morphologie des temps en distinguant le passé, le présent, le futur, des modes de passé d'ailleurs. Et donc, nous, pour nous parler, c'est conjuguer, c'est-à-dire lier du temporel au verbal. J'ai fait, je fais, je ferai. Et là, c'est la langue qui nous porte à ça, qui nous porte à couper dans le temps entre des temps. Si je prends une langue comme le chinois, de nouveau, qui ne conjugue pas, c'est beaucoup, une langue qui ne conjugue pas. Vous n'avez pas de morphologie à apprendre, vous n'avez pas des temps à apprendre. Eh bien, une langue qui ne conjugue pas, je dirais, pense à l'infinitif. Et donc, ne sépare pas des temps comme ça entre eux. C'est le grand problème que rencontre Augustin, c'est que finalement, il y a quelque chose qui, disons, s'impose à nous, c'est que nous conjuguons. Donc les Grecs se sont quand même interrogés sur le temps, à partir de ces entrées que j'ai dites, physiques, métaphysiques et puis grammaticales, et en même temps étant inquiets, parce que le temps, c'est la grande énigme. Puisque le temps, je le divise entre des temps, passé, présent, futur, mais aucun de ces temps n'existe. Puisque le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, si je me tiens bien au verbe « être », n'est-ce pas, si important dans la pensée grecque, la nôtre, le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, et le présent n'est que le point de passage du futur dans le passé. Pas du passé dans le futur, du futur dans le passé. Donc on a trois temps, mais aucun n'existe, aucun n'est, effectivement. Donc c'est étrange parce que le temps est un divisible dont les divisions n'existent pas. C'est une énigme. C'est une énigme et au point qu'Aristote dit le temps est une existence obscure, amudros, que les sceptiques disent le temps n'existe pas, parmi les Grecs, n'est-ce pas? Donc il y a quelque chose qui me paraît important dans notre pensée parce qu'à la fois, le temps s'impose à nous comme notion, mais comme le dit Augustin, dès que je m'arrête pour le penser, je ne sais plus ce que c'est. Donc échappe à notre raison, n'a comme définition que d'être divisible, mais ces divisions n'existent pas, et donc d'être à statut d'énigme. Ce qui fait que toute grande philosophie en Europe a été une réélaboration de la pensée du temps. Donc cette énigme a suscité une sorte d'ornière de la pensée du temps dans laquelle nous sommes encore. Ce qui fait donc que cette pensée du temps, je crois qu'il faut la penser en l'interrogeant de façon un peu radicale, dans ses choix implicites, ses partis pris, qui nous ont, qui sont imposés à nous, au point que nous ne pouvons plus réfléchir, en tout cas, que nous ne pouvons plus les réfléchir du dedans même de la pensée européenne. Alors, Daniel a fort justement rappelé ce qui est dans cet écart que j'essaie de faire à propos du temps, pour interroger cette pensée du temps qui s'impose à nous, c'est, me déplaçant en Chine, de découvrir une pensée saisonnière, effectivement. Je dis découvrir parce que en Europe, les saisons, c'est plutôt du décor, c'est plutôt du bucolique, n'est-ce pas? C'est laissé à la poésie des saisons, mais la philosophie ne prend pas ça très au sérieux. Et puis, comme tu l'as rappelé, il y a ces deux temps, le temps qui passe et le temps qu'il fait. Et le temps se trouve comme ça, écartelé entre les deux, déjà en latin, et donc dans cette sorte d'équivoque foncière. Mais si justement je réunissais ces deux termes, plutôt ces deux sens, plutôt ces deux possibilités, du temps qui passe et du temps qu'il fait, qu'est-ce qui apparaît alors? Eh bien, je crois que la Chine nous le fait penser, dans la mesure où, pour elle, les saisons, c'est un cadre constitutif de la pensée, de la civilisation et même du politique. Tout est organisé selon les saisons. Et vous savez comment, dans la tradition chinoise, le ritualisme est important, c'est-à-dire cette façon de conformer le comportement eh bien, aux conditions d'existence, collective. Et effectivement, dans les premiers textes chinois, tout s'organise à partir de la pensée des saisons. Parce qu'on a au départ quoi? On a le deux du yin-yang, le deux des, disons, des gros, de grands vecteurs d'énergie, yin et yang, n'est-ce pas? Au départ, c'est l'adré et l'ubac de la montagne, versant exposé au soleil, yang, versant laissé dans l'ombre, yin. Et puis cette opposition, donc terme opposé et en même temps complémentaire, sert à dire le prince et le peuple, sert à dire l'homme et la femme, bref. Et donc il y a ce deux, disons, d'interaction, et puis il y a les 10 000 êtres. Il y a la diversité, et je dis être parce que c'est encore ma langue française, mais disons la diversité des existences, si vous voulez. Et entre les deux, entre le 2 et le 10 000, il y a le 4 des saisons. Les saisons donc sont constitutives de la façon dont on organise la pensée du monde, et par alternance régulée, puisqu'on va du chaud au froid, puis après du froid au chaud, donc il y a une grande respiration cosmique qui se fait, et sur laquelle se branche, à laquelle se conforme eh bien, le comportement humain, et jusque dans le politique. Par exemple, l'empereur habite une partie du palais différente selon les saisons, porte des vêtements différents selon les saisons, mange des nourritures différentes selon les saisons. Donc cet être saisonnier, il nous entoure, c'est pas seulement un cadre, c'est pas seulement, mais il nous traverse, et nous respirons à travers lui. Et donc, alors ça nous fait découvrir nous, parce que nous sommes aussi des sujets saisonniers. Simplement, la pensée européenne elle n'a pas, disons, déployé cette pensée des saisons. Elle l'a déployée plutôt comme un décor, comme du bucolique, alors que du côté chinois-japonais, vous savez qu'au Japon, au mois d'avril, on va tous sous les sakulas pour boire du saké, parce que c'est une entrée dans une nouvelle respiration du monde. Donc il y a quelque chose là qui est important, parce que, vous voyez, que si on ne pense pas en termes d'être, d'éternel, eh bien on pense en termes de régulation, respiration. Et c'est, disons, un grand choix de la pensée chinoise. Mais ce n'est pas pour la pensée chinoise que je l'expose. C'est pour prendre du recul et nous réinterroger sur, disons, ce qui a tant marqué la pensée européenne à propos du temps. Alors, j'ai dit que pour les Grecs, le temps est une énigme. La phrase d'Augustin, ensuite, quand on m'interroge, je ne sais pas ce que c'est. Alors là, il y a un grand tournant fait par Augustin. Effectivement, le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, et le présent n'est que le point de passage, comme un point, donc sans extension, du futur dans le passé. Mais il y a une chose que je sais, c'est que je me souviens, c'est que j'attends. Je me souviens du passé, j'attends du futur, et à la guerre du présent, qu'est-ce que je suis ? Augustin dira, je suis attentif. Donc là, il y a une révolution dans la pensée européenne, sur laquelle je voudrais dire deux mots, parce qu'elle me paraît considérable, c'est que le temps objectif, on ne sait pas ce que c'est, c'est indivisible, dont les divisions n'existent pas. Par contre, il y a, émerge chez Augustin, la figure du sujet. Du moi. Moi, je ne sais pas le passé ce que c'est, mais je me souviens. Le futur, je ne sais pas ce que c'est, mais j'attends. Donc il y a ce grand tournant qui a été si important dans la pensée européenne, qui est l'émergence du sujet. Là, je pourrais dire encore, par écart avec la pensée chinoise, émergence du sujet. Vous savez que le cogito de Descartes, le fameux... Je doute, je pense, je suis, il est dans Augustin. Dans Augustin, il est, voilà, si je me trompe, c'est je suis. Mais vous avez donc chez Augustin, c'est pour ça qu'il est si important dans la culture européenne, en plus Augustin, c'est un des rares penseurs de l'Antiquité qui n'est pas vraiment appris le grec. Il a essayé de l'apprendre, mais il était mauvais en grec. Et donc il pense en latin, et il a été le grand transmetteur de la pensée antique dans le monde européen. Et donc, à opérer cette révolution, bien sûr, les grandes révolutions de la pensée, on ne les connaît jamais. Parce qu'on ne sait pas, quand il y a une révolution de la pensée, on ne sait pas ce que c'est. C'est justement avec du recul, par écart, qu'on se rend compte. Mais là, opérer cette grande révolution qui est faire émerger la figure du sujet et, disons, donner une nouvelle disposition, une nouvelle configuration à la pensée du temps, selon ses actes du sujet, se souvenir, attendre, parce que je me souviens effectivement, j'attends effectivement... Et là, qu'est-ce que je fais à l'égard du présent ? Je me souviens du passé, j'attends le futur, mais quelle serait cette disposition subjective à l'égard du présent ? Augustin nous propose un terme qui me paraît important pour ces journées, c'est « je suis attentif ». Attentif. Ce n'est pas attendre, c'est être attentif. Être attentif. Alors la question qui se pose, et je voudrais vous la reprendre tout à l'heure, c'est qu'est-ce que c'est qu'être attentif au présent et comment le peut-on ? Mais d'abord, il y a ce fait essentiel, c'est que le temps, donc, est pensé comme, dit Augustin, distentio animi, une distension de mon esprit. Oui, parce que la langue conjugue, je parle au passé, au présent, au futur, donc mon âme, mon esprit plutôt animi, animus, mon esprit est écartelé entre trois possibilités, le passé, le futur, et entre les deux. Alors, difficile à définir, puisqu'elle n'est que le point de passage du futur dans le passé, ce qui serait le présent, et l'attention au présent. Mais donc, ce choix essentiel de penser le sujet comme en distension, distentio animi. L'idée d'un sujet en distension, là, elle traverse la philosophie jusqu'à présent, n'est-ce pas ? Quand on parle du sujet fêlé, du sujet barré, etc., on est toujours dans cette distentio animi que organise pour nous notre expérience subjective du temps. C'est à quoi, pour y réfléchir, je repasserai par cet écart chinois, pour penser que les Chinois nous aident à penser le temps, non pas du tout comme une distentio animi, distension du sujet dans son esprit, mais comme une transition continue. Ça, je crois que c'est un fait essentiel. Dans la conception chinoise, vous voyez, ce n'est pas pour parler de la Chine, mais c'est parce que moi, la Chine, c'est un outil théorique, un opérateur, un levier, comme a très bien dit Daniel tout à l'heure, pour me réinterroger sur des banalités de la pensée européenne, tellement banales, tellement assimilées, qu'on ne les pense plus. qu'on n'a pas de prise pour les pensées. Et donc un écart, une extériorité, redonne du recul, la perspective, et donc un moyen d'interroger nos partis pris théoriques, c'est-à-dire nos évidences, ce qui nous paraît aller de soi, ce qu'on appelait à l'époque classique la raison naturelle, la lumière naturelle. Non, ce sont en fait des choix implicites, et je ne dis pas ça du tout pour relativiser la pensée grecque, mais disons pour voir au contraire comment elle était inventive, singulière, non pas une banalité de l'esprit, mais voilà. Et au fond, voyez, je passe par la Chine, enfin la pensée chinoise, la langue pensée chinoise, pour essayer d'interroger l'impensé de notre pensée. C'est-à-dire, ce à quoi ma pensée est adossée, et que par là même, elle ne pense pas. Notre pensée est toujours adossée à de l'impensé. Mais comment aurais-je accès à mon impensé, si ce n'est par ruse, par stratégie, par biais? Bon, c'est le biais chinois, si vous voulez. Voyez, Descartes est un grand, grand penseur, mais il ne pense pas douter d'une chose essentielle, c'est qu'il pense dans une langue, le latin français. Il pense qu'il pense dans la langue, et que toute langue articule l'être, articule le doute, articule la pensée. Non, c'est la langue, le latin français de Descartes. Et je crois que donc, à l'égard de notre impensé, on n'a pas de prise dessus, sinon on le penserait. Donc il faut des ruses, des stratégies, des biais. Bon, en tout cas, pour moi, la Chine est un biais de ce type, pour essayer d'interroger ce que nous ne pensons pas à penser. Il y a ce que nous interrogeons, que nous pensons à interroger, il y a ce qu'on ne pense pas à interroger. Et c'est pour essayer d'avoir prise dessus que voilà, je pratique cette sorte de ruse au sens nietzschéen, n'est-ce pas, pour avoir accès à cela. Donc du côté chinois, je dirais, c'est penser en termes de transition. Parce que je voudrais arriver à cette chose qui est essentielle, c'est que les Chinois n'ont pas pensé le temps. Et que ce temps qui est comme ça impliqué dans notre langue européenne, chronos, tempus, time, bon, voilà, on ne peut pas s'en passer, eh bien, il a fallu le traduire en chinois à la fin du 19e siècle. Donc là, vous avez un écart qui donne à penser, c'est une prise pour interroger cette pensée du temps, que de penser qu'une langue aussi développée que le chinois et durant des millénaires s'en est passée. Alors, c'est une question qui est quand même étrange de se dire comment une culture aussi développée que la chinoise a pu se passer de cette chose dont on ne sait pas nous passer, nous, la pensée du temps. D'autant plus que les Chinois ont écrit l'histoire. Ils avaient des horloges très au point. Ils ont pu penser, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Deux choses. Le moment, la saison, che en chinois. Le moment saisonnier. Moment saisonnier, occasion. Et puis la durée, tio, che, tio. Le moment saisonnier, avec, disons, sa singularité propre, et puis l'alternance des saisons, la régulation qui les traverse, pour que cette alternance ne s'épuise pas, d'où la durée. Mais quelle différence entre la durée et le temps? C'est qu'on dit la durée d'eux, la durée d'une vie, la durée d'un monde. La durée est toujours intégrée, alors que le temps, au contraire, est cette abstraction qui n'est plus la durée d'eux, mais le temps comme une sorte d'enveloppe globale que les Grecs, comme ça, ont porté à la pensée. Alors, penser en termes de, non pas de distension, mais de transition, c'est ce qui est si important dans la conception chinoise de la régulation et du cours des choses, qui n'est pas pour autant un cours du temps. Avec cette chose qui est étrange, c'est que, vous voyez, si Augustin pense le temps à partir de la création, c'est qu'on a cette idée, peut-être étrange en Europe, en tout cas, je trouve fascinante, c'est qu'il y aurait un début du temps. Et les physiciens sont encore en quête du Big Bang, enfin du... Voilà, quand le rideau se lève et que ça commence. Quand le monde commence. Parce que c'est une question singulière, une question, je dirais, intéressante, parce qu'elle est passionnante, savoir comment penser un début, comment on entre dans l'être, puisqu'on pense en termes d'être. Mais c'est une question singulière. Et la pensée chinoise, la langue pensée chinoise, est intéressante parce qu'elle ne pense pas à se poser cette question-là, d'un début premier. Au point qu'une formule qu'on trouve couramment en chinois classique et que les traducteurs en général corrigent, c'est-à-dire renversent, on dit en chinois non pas début-fin, on dit fin-début, zhongshi. Alors souvent les traducteurs corrigent, bien sûr, ils disent ben non, soyons raisonnables, alpha et oméga, un début, puis après il y a une fin. Est-ce si raisonnable que cela? En tout cas, on peut penser peut-être différemment, c'est que toute fin Plutôt, tout début est précédé d'une fin. Il n'y a pas de début premier, il n'y a pas d'arché, il n'y a pas de genèse, il n'y a pas de création du monde, il n'y a pas le Big Bang, il n'y a pas quelque chose qui, disons, serait le premier son de cloche ou de cymbale, comme tu dis, n'est-ce pas, à partir de Valéry. Non, que tout est en transition. Donc l'idée que le monde naît tous les jours, que le monde meurt tous les jours, plutôt qu'il meurt tous les jours et donc qu'il naît tous les jours, l'idée d'une transformation continue qui n'a ni de point de départ, ni point d'arrivée, ni arché, si je parle en grec, ni telos. Arché, c'est le mot premier de la philosophie grecque. Commencement, principe, principe comment dans la suite, arché, pouvoir, n'est-ce pas ? L'idée qu'il y a un point de départ absolu dont ensuite ça va découler, à partir duquel ça va se déployer, arché. Premier mot du vocabulaire d'Aristote. Et puis s'il y a arché, il y a telos, l'aboutissement, la fin. Les Grecs, pour rendre compte et déployer une intelligence du monde et de la vie, les Grecs ont pensé qu'il fallait marquer un point de départ et un point d'arrivée. Il fallait identifier un segment avec deux bouts, point de départ, point d'arrivée. Évidemment, il faut le temps pour compter le temps qui se passe entre le point de départ et le point d'arrivée. Mais on peut penser la vie, le monde, sans point de départ, sans point d'arrivée. Donc en termes de transition, transition continue. Transition, c'est un mot pauvre en français, parce qu'on a un seul mot. Si je le dis en chinois, ça serait bientôt. Modification, continuation. Il y a toujours de la modification, il y a toujours de la continuation. Où on dit, parce que tradition chinoise, hériter et bifurquer. Il y a toujours de l'héritage et puis la bifurcation. Les deux comme ça. Et prenez les saisons. Pourquoi il y en a quatre ? Parce que les saisons, c'est... on va du chaud au froid, du froid au chaud, c'est la transition. Et il y a quatre saisons, mais deux saisons, disons... le premier livre d'histoire en Chine s'appelle Chunqiu, printemps-automne. Printemps-automne parce que c'est les deux saisons de bifurcation ou d'inversion. On va vers de plus en plus froid, de l'automne à l'hiver, et puis inversion, on retourne vers du plus chaud, du printemps à l'été. Et puis inversion, l'automne, on passe du chaud vers le froid, le rafraîchissement. Donc deux saisons qui bifurquent, deux saisons qui continuent. Mais l'idée chinoise, c'est qu'au fond, si on est toujours... vers le chaud, vers le froid, ça s'épuiserait. La respiration, qui est cette alternance que nous avons en nous, vous savez, tous ceux qui pratiquent un peu la culture chinoise dans les exercices physiques, savent bien que c'est une chose qu'on n'a pas pensé en Grèce, mais que les Chinois ont d'abord pensé, c'est la respiration, l'alternance régulatrice, n'est-ce pas ? J'inspire, j'expire. Eh bien, le monde, c'est pareil. Il y a ce rythme, disons, de respiration du monde, entre les fameux yin et yang, etc., qui fait qu'il y a une transition continue. Donc voilà une culture qui n'a pas pensé le début, qui n'a pas pensé la fin. Ni Genèse, ni Apocalypse, ni grande entrée, ni grande sortie du jeu. Alors, c'est important pourquoi ? Parce que si on pense tout en termes de transition et de transformation, s'il n'y a plus de début premier ni de fin dernière, alors la conception de la vie change radicalement. S'il n'y a plus de début. Vous voyez, en Chine, la naissance... ce n'est pas la naissance qu'on voit nous, n'est-ce pas ? Le jour de la naissance, l'heure de la naissance, la seconde de la naissance, voilà, Big Bang individuel, n'est-ce pas ? Non. On sait bien que la naissance a commencé avant. Il y a une transition continue qui fait que cette petite amorce de l'embryon, bah ça, voilà, il y a une sorte de fécondation, de gestation qui fait que progressivement, ça s'est fait. Hein. Et donc, on a très souvent pu dater la naissance en Chine à partir de la conception de l'embryon, 9 mois plutôt que la naissance, quand il y a la sortie, comme ça, et le premier braillement. Et la mort, il en va de même. C'est que soit la mort, si on pense en termes d'être, c'est la question du néant, passer de l'être au non-être, avec, disons, l'abéance que ça ouvre. Soit, si je pense en termes de transition, la mort, c'est, comme dit Mincius, la grande transformation. Je veux dire, à la naissance, ce qu'appelle nous la naissance, ce qui se passe progressivement, c'est qu'il y a une sorte de, comme ça, de condensation d'énergie, de flux énergétique qui s'individue, qui forme un, voilà, ce qu'on appelle nous un sujet, en tout cas un individu, et qu'à la mort, eh bien, ces énergies non pas disparaissent, non pas vont dans le néant, mais se dissocient, dispersent et retournent dans ce grand fond d'énergie, de respiration qui est le monde. Et c'est ce qui fait qu'il y a, par exemple, ce qu'on appelle un terme beaucoup trop restreint, le culte des ancêtres encore aujourd'hui en Chine, c'est que voilà, mes parents sont morts, mais ils sont encore beaucoup plus présents en termes d'énergie que les grands-parents ou les arrière-grands-parents. Donc il y a une sorte de filiation qui se fait au-delà des naissances, des naissances et des morts, qui est une sorte de grande transition, voilà, de la vie qui se fait. Donc oui, ça change les choses à mesure où la pensée grecque, pensant en termes d'être et de non-être, pense de façon tragique. Avec tout ce que ce tragique a d'inspirant, de fécond, de, disons, incitant la pensée. Mais on peut penser sur ce mode de régulation, d'harmonie, donc de transition continue, telle que la Chine l'a fait. Donc non pas distension, je dirais, mais transition. Alors en même temps, on ne peut pas passer à côté de ce fait premier que le temps, y compris chez les Grecs, n'est pas un terme originaire. Prenez dans Homère, le temps n'est jamais sujet. La formule banale, si le temps passe trop vite, c'est une formule qui est progressivement inventée, mais qui n'est pas, disons, initiale dans la pensée. C'est donc une sorte de, et je voudrais dire deux mots de cela, une sorte de configuration qui a pris consistance historiquement dans la période du grec archaïque jusqu'au grec classique, avant que ne s'en charge la philosophie, qui a donc pensé dans ce cadre qui était déjà, disons, prédisposée avant qu'elle s'empare de la question du temps. Donc chez Homère, le temps, c'est le délai de l'attente, au datif. Le fait qu'il faille du délai pour arriver aux choses, l'attente. Et quand apparaît la notion de temps en grec ? Elle apparaît quand on commence à réécrire les cosmogonies primitives, ces grands récits qui évoquent... Le temps n'est pas chez Hésiode, hein. Puisqu'Hésiode évoque les générations de dieux successives. Mais quand on réécrit ces cosmogonies primitives, quelqu'un qu'on ne lit pas beaucoup parce qu'on n'a que des fragments, mais qui est très important, c'est Phérécide, qui dit, voilà, une sorte de cosmogonie repensée en termes plus philosophiques, mais encore en termes de divinité devenant symbolique, Zeus, la Terre et Cronos. Et là, Cronos émerge comme figure en tripartition, en quelque sorte, avec Zeus et la Terre. Zeus, Tonier et Cronos. Et donc, on voit que Cronos apparaît comme étant une sorte de résidu, si j'ose dire, de la transcendance. Une sorte de... Voilà, ce qu'il y a d'inévacuable de la transcendance, on va l'appeler le temps, avec un T majuscule qu'il ne perdra pas, d'ailleurs. Et qui est l'idée que... si on ne croit plus aux dieux, enfin, c'est pas une question de croire chez les Grecs, mais s'il n'y a plus les dieux olympiens dans leur présentation première, si donc il y a une sorte de rationalisation de ces mutoi, premier grand récit, eh bien voilà, le temps, Chronos plutôt, c'est cette figure qui vient prendre en charge ce qui reste de transcendance dans la conception qui s'élabore à cette époque, avant la philosophie, disons au VIe siècle avant notre ère, dans la pensée grecque qu'on dit comme ça un peu archaïque. Et vous voyez ensuite que le temps apparaît comment chez les Grecs ? Comme le père de toutes choses, c'est dit Pindare, celui qui révèle. C'est important, le temps révèle, le temps fait apparaître, parce que c'est lui qui enfante et qui fait apparaître, et donc qui fait émerger à la vie et à la pensée. Donc c'est quelqu'un qui est géniteur, le temps, dans cette première figure grecque, Chronos. Et puis, quand vous lisez chez les poètes gnomiques ou dans le théâtre tragique grec, le temps, il m'accompagne. Vous voyez, je vous cite un passage, Édipe, et le pauvre Édipe, après ce qui lui arrive, il lui arrive beaucoup de choses, quand il dit, au terme de sa vie, dans Édipe à Colonne, « Ce que j'ai eu à souffrir est le temps long, vivant avec moi. » M'apprend d'accepter les choses. Oui, accepter les choses, tout ce qu'acceptait le pauvre Œdipe, n'est-ce pas ? Il en a accepté beaucoup. Mais voyez, le temps long, Chronos, Xunon, Macros, Didaskei. Le temps instruit, le temps long instruit, m'instruit. Ben oui, ma vie m'a instruit, mais il est avec moi. Agamemnon dit le temps couche avec moi. Donc le temps, c'est une sorte de personnage qui est qui se rapproche de nous, mais qui nous accompagne. Donc vous voyez qu'il y a toute une genèse assez étrange qui passe par les poètes, qui passe par les tragiques. Cette figure du temps, avant qu'elle ne s'impose à la philosophie, telle que j'évoquais au départ, temps physique, temps métaphysique. Mais même Aristote, une fois qu'il a parlé du temps physique, soudain il y a une phrase qui bascule dans son texte de la physique, au livre 4, où il dit « mais le temps domine la vie ». Et là, on a cette chose quand même assez monstrueuse en grec, dont nous sommes toujours héritiers aujourd'hui, qui a deux chronos en grec. Le chronos du temps, et puis chronos qui mange ses enfants. C'est écrit avec un ki ou avec un kappa. C'est donc deux mots grecs différents. Mais il y a une sorte de grand jeu de mots grecs, n'est-ce pas, comme les Grecs en aimaient, n'est-ce pas, de fondre en deux mots qui sont totalement différents. Chronos qui mange ses enfants, donc qui est le père de Zeus quand même, mais lui, bon, il ne va pas manger Zeus. Et puis Chronos, le temps. Et donc ce grand jeu de mots, mais qui a été si important pour nous, c'est que, si je prends la formule de Baudelaire, le temps mange la vie. Le temps mange la vie, n'est-ce pas, le cruel ennemi. Mais là, ça vient d'un jeu de mots, n'est-ce pas, le temps qui passe, et puis le temps qui mange. Et Aristote est déjà dans cette, étrangeté-là de la langue. Bon, alors, rassurez-vous, je vais m'approcher de mon sujet, qui est quand même d'arriver un peu vers la notion de disponibilité, puisque je crois que c'est ce qui a été retenu essentiellement dans cette rencontre. Alors, il y a une question qui se pose, c'est si je veux vivre au mieux, et donc, comment penser cette capacité à vivre, si ce n'est de penser mon rapport au présent ? Alors, je dis le présent, le problème, c'est que le présent n'est pas. Il n'est que le point de passage du futur dans le passé. D'ailleurs, vous savez que Augustin, que je citais tout à l'heure, quand il pense le temps à partir des prépositions de lieu. D'où l'on vient, le futur, unde, vers où l'on va, en latin, quo, et puis, par où on passe, quoi. Donc le temps, c'est le présent, c'est par où on passe, par où le futur passe dans le passé. Puis comme vous savez, il y a une quatrième question de lieu en latin, c'est ubi, là, le lieu où je suis. Mais pour Augustin, le lieu où je suis, ben, c'est auprès de Dieu. Donc c'est l'éternité de Dieu. Donc il y a bien ces quatre, disons, modes de déplacement, ou de localisation plutôt, les questions de lieu, d'où le futur, vers où le passé, par où le présent. Mais Augustin a cette case en plus, où je suis, ben, c'est où je suis, c'est dans ma protension, si j'ose dire, intuition de Dieu. Alors, si on retire la case du « où je suis en Dieu », comment penser ce présent, si ce n'est pas seulement le point de passage du futur dans le passé ? Donc, le présent n'a pas d'extension, peut-il avoir une existence ? Il n'a pas d'extension, puisque le présent, je peux diviser. On dit que c'est un atome de temps, mais même pas un atome, c'est atomos, c'est ce qui ne se divise plus. Or, le temps, je peux le diviser à l'infini. Donc, que signifie vivre au présent ? En même temps, je ne peux vivre qu'au présent. Donc, quelle est cette modalité du présent qui serait à vivre, et non plus le présent, disons, coupé en infime, et encore plus infime, que la physique nous donne à penser. Alors, il y a déjà, chez Aristote, une réflexion très intéressante, c'est qu'il y a le temps de la physique, divisible à l'infini, et puis le temps de l'éthique, à la fin de l'éthique à Nicomaque, qui est le temps du plaisir. Et là, c'est plus un point, c'est un tout, holon. Et oui, dans le plaisir, dans l'expérience du plaisir, on ne décompose plus du tout. On est dans une totalité qui fait qu'on oublie le temps. Alors c'est important de dire qu'on oublie le temps au moment même du plaisir, au moment de l'épanouissement, de l'efflorescence du plaisir, comme dit Aristote, eh bien, on est dans un tout, ce fameux tout du plaisir, et la question du temps se trouve dissipée. Ça, c'est un fil qu'on peut tirer pour aller vers une pensée existentielle du présent, qui n'est plus cet indivisible à l'infini, mais cette totalité, en tout cas, ce lieu de déploiement possible qui ferait le présent. Alors, par rapport à Augustin, il y a cette ressource donc essentielle qui était de dire passé, présent, futur, je ne sais pas si ça existe, mais moi je sais que je me souviens, que j'attends, et puis cette modalité à lire du présent, je suis attentif. Ah. Alors la question c'est qu'est-ce que c'est qu'être attentif si la seule modalité possible à la guerre du présent, c'est l'attention. De quelle attention peut-il s'agir ? Et il me semble que là, c'est important parce que Augustin nous dit, c'est comme quand on écoute une mélodie musicale. Il y a les sons que j'ai déjà entendus, les sons que je vais entendre, que j'attends, et puis le passage du son au présent auquel je suis attentif, que je veux comme ça capter. Mais Augustin, en fait, a quand même dans la tête autre chose qui est justifier la conversion vers Dieu. Donc, un temps qui serait le seul temps possible, à savoir le temps de l'éternité, avec ce que cette expression est paradoxale, n'est-ce pas, qui serait le temps auprès de Dieu. Faisons abstraction de ce rapport au religieux. Vous savez, c'est ce que fait Husserl quand il reprend la pensée du temps, dans les termes d'Augustin, et avec la même expérience d'écouter une musique. Et non plus une musique qu'on a déjà entendue, comme dit Augustin, mais une musique qu'on découvre. Qu'est-ce qui fait une mélodie ? Dans une mélodie, c'est que le son qui vient de passer est encore rémanent, et le son qui va venir est déjà attendu. Donc on n'a plus trois temps, comme ça, juxtaposés, coupés en trois morceaux, passé, présent, futur, mais ce qui fait mélodie, ce qui fait que c'est une mélodie, non pas un air de non pas des bruits, mais une mélodie, c'est que c'est pas comme un, l'image est bonne, comme un collier de perles. Un collier de perles, vous avez une perle, puis une perle, puis une perle. Mais passé, présent, futur, dans l'expérience qu'on en a, c'est pas de cet ordre. Et quand on écoute une musique, quand on est attentif à une musique, eh bien, la musique qui vient de passer est encore entendue, et la musique qui va venir est déjà entendue, déjà perçue. C'est ça qui fait mélodie, c'est ça qui fait qu'il y a une, si je veux dire, une transition entre les trois. Et donc, cet exemple repris par Husserl nous montre qu'en fait, nous sortons de l'idée qui vient de la physique, savoir que le présent est divisible à l'infini, et nous nous rendons compte que notre attention, elle est extensive. Et donc, qu'elle garde du passé, qu'elle attend du futur, et donc le présent a une extension possible, donc une existence. Husserl dit rétention du passé, protension de l'avenir. Donc je suis certes dans une distentio animi, une distension de l'esprit, mais mon esprit, il garde présent encore du passé, comme dit Husserl, une queue de comète, n'est-ce pas ? C'est pas à couper, c'est... Voilà. Le son qui vient de passer n'en finit pas de mourir, et le son qui va venir, il est déjà engagé. Donc c'est ça qui permet d'avoir une sorte d'attention déployée, comme quand on écoute, ce qu'on a tous fait, n'est-ce pas, une mélodie. Donc là, enfin, on sort du temps physique divisible à l'infini pour penser, commencer à penser un présent existant qui puisse exister, qui puisse se déployer par rétention de ce qui vient de passer, protension vers ce qui va, et qui permet de déployer une attention, voilà, qui a un déploiement possible. La question, vous savez, c'est une question qui a été pas débattue, mais qui est qu'on retrouve à la fois chez Husserl et chez Bergson. Et Bergson nous dit, au fond, ce qui arrive quand on écoute un air de musique, on pourrait l'étendre à la vie entière. Mais est-ce qu'on peut être attentif à la vie comme on est attentif à un air de musique qu'on écoute ? C'est la question. Bergson ose l'expression « attentif à la vie », mais ça me paraît sujet à caution, parce que qu'est-ce qui fait qu'on est attentif chez Husserl ou dans l'exemple de la musique ? C'est qu'il y a un objet temporel. Mais la vie n'est pas un objet temporel. Une musique, oui, c'est un objet temporel. La vie, non. Donc, si vous voulez, l'attention, s'il n'y a pas un objet auquel je suis attentif, comme l'air de musique que j'écoute, et qui, lui, donc, ouvre du temps présent entre protension et rétention. Mais s'il n'y a pas un objet temporel, Zeit, object, auquel mon attention est suspendue, est-ce que je peux être attentif à la vie comme je suis attentif à un air de musique ? La vie ne peut pas se constituer en objet temporel. Vous me suivez, à peu près ? Bon, eh bien, si vous dites rien, je continue. Alors, cette question, elle est essentielle, de savoir comment je peux, est-ce que je peux donner consistance à du présent ? Puisqu'il n'y a qu'au présent que je vis. Augustin le disait d'ailleurs, je me souviens, c'est toujours du présent. Présent du passé, futur, c'est le présent du futur. On n'a que du présent. Donc cette question de déployer la pensée du présent, comme présent non plus physique, mais existentiel, présent à vivre, me paraît essentielle. Nous avons en français deux termes, en fait. Instant, le tonun des Grecs, et puis maintenant. Maintenant, c'est manu tenere, c'est tenir avec la main, c'est retenir. Donc est-ce qu'on vit le présent comme un instant fugitif ? Instant, il faut l'entendre aussi, enfin, en latin français. Instant, c'est ce qui ne se tient pas. Instans, ce qui n'a pas de consistance, ce qui ne se tient pas. Donc, est-ce que nous vivons le présent comme de l'instant, fugitif, sans consistance, ou est-ce que nous pouvons avoir du maintenant, manu tenere, c'est-à-dire quelque chose qu'on retienne, contienne et dans lequel on puisse effectivement déployer sa vie. Instant ou maintenant. On a les deux mots en français, tonune en grec disait la même chose d'ailleurs. Et la question, c'est de savoir si on peut vivre au présent. C'est-à-dire quoi, à partir de quoi j'irai vers la notion de disponibilité. Alors je pense que quelqu'un qui a fait une opération philosophique majeure, même si ce n'est pas un philosophe, mais qui a transformé notre rapport à la pensée de ce qu'on appelle le temps, c'est Montaigne. Alors Montaigne, vous savez, c'est quelqu'un d'inclassable. Ce n'est pas un philosophe, on sait, il n'y a pas de concept chez Montaigne. Mais c'est un grand tournant de la pensée européenne, notamment pour la question du temps, parce que Montaigne a cette, disons, ruse, si j'ose dire, ou cette puissance de pensée, c'est qu'il dit, vous savez, la grande phrase de Montaigne, à la fin des essais, dans le dernier essai de l'expérience, « Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, vivre à propos et non pas au présent. » Là, je pense que Montaigne fait une opération décisive. Parce que ce qu'on dit habituellement, c'est vivre au présent. Non, il a substitué à présent propos. Propos, propositum, ce qui vient devant, ce qui nous est proposé. Donc là, il nous sort de la question du temps et du présent sans consistance par une modification. Alors oui, en plus, il faut bien entendre cette phrase. Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, vous voyez la gradation qui se fait, vivre à propos. Et donc là, il y a une modification très, très forte. Non pas au présent, qui était là, disons, le lieu commun de la philosophie, mais à propos, qui donc évacue la question de la temporalité au sens de ce que j'ai évoqué, l'énigme du temps, pour, disons, ben oui, c'est vivre, c'est toujours à propos. Donc, ça disparaît de la dimension temporelle pour faire apparaître quoi ? À propos, c'est-à-dire ce qui vient, ce que Montaigne appelle l'occurrence, ce qui occurre, ce qui vient à moi, à propos. N'est-ce pas, qui vient à son port, à propos. Donc cette modification chez Montaigne est essentielle, et disons, c'est ce qui dure, et la pensée forte de Montaigne, notamment dans ce dernier essai magnifique de l'expérience, ces formules, n'est-ce pas, quand je danse, je danse, quand je dors, je dors. Ça paraît ça me paraît un peu faible comme pensée, n'est-ce pas, puisque la principale répète la subordonnée. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Mais c'est essentiel. Parce que justement, par cette formule quasiment tautologique, qui paraît ne rien dire, une tautologie, c'est pas grand c'est grand, mais non, c'est justement faire que la principale ne fasse que dire la temporelle qui précède, quand je danse, ça justement, ça nous libère de la pensée du temps, et du temps qui passe, et du temps qui fait courir. Non, quand je danse, et quand je dors, je dors. Et donc en même temps, faire apparaître l'alternance des deux. C'est parce que je danse, quand je danse, que je peux après dormir, pour dormir. Donc à la fois faire apparaître le fait que, voilà, ce que j'appellerais ne pas devancer. Ne pas devancer, ne pas se précipiter, le devancement. Penser la disponibilité à l'encontre du devancement. Je regarde juste par l'explication. Je voudrais qu'on ait le temps de discuter un peu, donc je vais hâter encore un peu plus mon propos. Là, je suis dans le devancement, vous voyez. Je me précipite pour cette affaire si longue à tirer que celle du temps, n'est-ce pas ? Surtout si on la prend un peu chez les Grecs et puis qu'on fait un détour par les Chinois. Tout ça demanderait beaucoup plus de temps. Tu peux le faire en 10 minutes et puis après on aura 10 minutes de discussion. 10 minutes. Bon, ben on va compacter. Pour avoir 10 minutes de discussion. Tout à fait, non, tout à fait, j'y tiens. Donc pour dire ceci, c'est que cette formule de Montaigne qui passe inaperçue, quand je danse, je danse, quand je dors, en fait, est très intéressante parce que, justement, elle sort des plis de la philosophie. Elle sort, si vous voulez, cette grande thématisation du temps tragique qui nous échappe. Non. En pensant que, qu'est-ce que c'est qu'habiter le présent ? C'est quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Donc, se refuser à ce que j'appellerais le devancement. Alors, devancement, évidemment, c'est un terme que je prends à la pensée de Heidegger et la pensée de l'être vers la mort. J'y reviens peut-être tout à l'heure, mais il y a ce fait essentiel, c'est que je voudrais opposer ces deux concepts, plutôt en faire des concepts. Penser la disponibilité contre le devancement. Alors, disponible, je voudrais quand même proposer ce terme parce que c'est un terme qui paraît, qui n'est pas un terme philosophique. On dit communément, soyez disponible, une sorte de leçon de sagesse facile. Non, porter la disponibilité comme un mode, disons, essentiel d'existence. Disponere, c'est l'idée d'ouverture, ouverture des possibles, disponible, être disponible, c'est-à-dire être, il y a à la fois le suffixe et le préfixe qui disent l'ouverture des possibles. Être disponible s'opposerait à devancer, se précipiter, le l'être va la mort de Heidegger, le sich vor weg sein, n'est-ce pas, d'être toujours en avant sur soi. Alors, pour faire entendre cette disponibilité, donc j'ai évoqué Montaigne, je repasserai encore un instant chez mes Chinois, parce que c'est le grand mot de la sagesse chinoise, la disponibilité. C'est-à-dire être ouvert à tous les possibles. On dit de Confucius, pour lui, il n'y avait rien. Qu'il fasse par principe ou qu'il ne fasse pas. Il est ouvert. Être ouvert, disponible, ouvert, ouverture. Quand on classe les sages en Chine, enfin, c'est Massus qui le fait, d'un côté les intransigeants, de l'autre côté les accommodants. Qu'est-ce qu'on va dire de Confucius? On dit de lui, phrase de Massus, de la sagesse, il est le moment. Il est le bon moment. Quand il faut être intransigeant, il est intransigeant. Quand il faut être accommodant, il est accommodant. Il n'y a pas de règle. Il est ouvert au possible. Et il fait selon le moment. De la sagesse, il est le moment. Moment, c'est saison. C'est ce que Daniel a évoqué en commençant. C'est que Confucius, il est saisonnier. Il fait selon la saison. La saison ici étant la saison, il faut être plus accommodant, plus intransigeant. Il n'y a pas de règle. Ce n'est pas quelqu'un qui est braqué, terme chinois, sur une possibilité ou sur l'autre, ouvert aux différents possibles. Donc la disponibilité, comme cette capacité d'être ouvert au possible, est donc comme mode d'accueillir le présent, dans son occurrence, comme dit Montaigne. C'est-à-dire, sans avoir déjà projeté sur lui une attente, une précipitation ou un parti pris. Bref, cette capacité d'être ouvert dans la capacité d'accueillir ce qui vient. Et donc, être saisonnier au sens de d'épouser ce qui vient. Épouser, non pas imposer, si vous voulez, ce qui vient, et en étant le plus ouvert à cette ressource qui, vient avec lui. Donc, en tout cas, je l'indique en passant, le maître mot de la pensée chinoise, n'est-ce pas ? La disponibilité. C'est-à-dire cette capacité d'ouverture, sans qu'elle soit déjà, engagée, préfigurée par un parti pris. Et cette capacité... Alors, moi, j'ai eu l'occasion d'en parler avec des psychanalystes. Au fond, qu'est-ce qu'on demande d'un psychanalyste? C'est d'être disponible. C'est-à-dire d'ouvrir sa position. Il y a un texte très beau de Freud à la fin de sa vie, d'une dizaine de pages, où il dit de conseils aux psychanalystes. Et il dit, enfin, je vais vous dire là des choses de ma pratique, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Enfin, ça va souvent à l'encontre de ce que j'ai dit d'abord. Et il dit, au fond, le psychanalyste, il a qu'une chose à faire, c'est être ouvert à ce qui vient, si j'ose dire, c'est-à-dire d'être prêt à écouter non seulement ce qu'il entend, mais aussi ce qu'il n'entend pas. Et donc, de se défaire de tous les préjugés de cette attente pour capter ce qui se dit là et qui s'il tient à ses conceptions, il n'en entendra pas, qu'il passera à côté, mais justement, de pouvoir percevoir ce qui... Et il dit, le psychanalyste devrait être froid, calte. Froid me paraît pas très bon. Je dirais plutôt que le psychanalyste devrait être saisonnier, au sens où il serait... il épouserait ce qui vient pour être ouvert à cela. Et il me semble que, dans la pensée de la cure analytique, ce qu'on demanderait au psychanalyste, c'est la disponibilité. Alors, disponible en français, c'est un terme commun, banal. Soyez disponible. Je voudrais le porter au concept. Le porter au concept pour en faire, face à devancement, à la grande idée tragique qu'on est comme ça précipité vers l'avenir, un concept qui soit existentiel. 5 minutes. Alors il y a deux termes qui feraient penser en regard. Disponibilité par rapport à quoi? Par rapport à opportunité. Ce que les Grecs appelaient eukairia. Le kairos, l'occasion, mais non pas l'occasion, le kairia, c'est-à-dire le déploiement de l'occasion. Donc disponibilité répondant à opportunité. Être disponible, c'est penser que ce qui vient a une opportunité. Opportunité, venir au port, n'est-ce pas? Et qu'on peut accueillir ce qui vient dans cette disposition. Disponibilité, opportunité. Oui, quand j'évoquais le présent, la difficulté majeure de la pensée grecque à penser le présent, les stoïciens notamment, néanmoins, ont voulu faire, enfin, ont travaillé dans ce sens-là, comment donner une extension au présent. Ils le pensaient à partir de l'acte, en disant un acte a un début et une fin. Donc, il y a une extension créée par l'action. Chrysippe dit, le présent, c'est quand je me promène. La promenade, définit un présent de la promenade. C'est difficile, parce que faut distinguer l'action du geste. C'est vrai que je commence à me lever et à marcher. Ça, c'est de l'ordre du geste. En fait, la promenade, j'y pensais avant de me promener. La promenade finie, j'y repense. Donc, cette difficulté, il y a une difficulté, je dirais, constitutive à penser une extension du présent, d'où, disons, cette mutation que, à travers Montaigne, vivre à propos, ou les concepts d'opportunité, concept stoïcien d'ailleurs, mais gardé encore très à l'étroit chez les stoïciens, et de disponibilité permettrait de, disons, de déplacer. Alors oui, l'opposition serait celle-ci entre disponibilité et ce que j'appellerais en vis-à-vis devancement. Devancement, c'est quoi ? C'est penser qu'on est précipité vers l'avant. La formule, vous la connaissez bien, elle est heideggerienne, n'est-ce pas ? Sich vorweg sein, être toujours en avant de soi. Sich vorweg, être toujours en avant de soi. Bah, c'est ce qu'on vit comme ça de façon, je dirais pas tragique, mais disons épuisante en tout cas. Et l'idée que, c'est l'idée philosophique qu'au fond, la vie est une insuffisance d'être. C'est les termes grecs. Et que nous sommes précipités de l'avant parce que nous, ce que dit Plotin, parce que nous manquons d'être. C'est notre manque d'être qui fait que nous appartenons au devenir, et donc nous sommes précipités devant nous par manque d'être. Et donc là, il y a une condition humaine qui est définitive. Donc c'est essayer de sortir de ce schéma-là qui a été dramatisé par Heidegger, qui est donc cette idée que nous sommes être vers la mort, puisque finalement, ce vers quoi nous marchons, c'est ça. N'est-ce pas ? Et finalement, c'est le telos, il est là, c'est la mort. Ben, de penser que c'est une option possible de la pensée, avec un aspect, disons, une force tragique puissante, donc une ressource de pensée, et en même temps que ce sont quand même des choix de la pensée qui inclinent à cela, cette sorte de être en avant de soi, projeté en avant de soi, donc précipité devant soi, et cette incapacité qui serait donc de déployer un présent à vivre, comme à propos, comme opportunité, à partir d'une ressource de disponibilité qui serait donc une façon d'arrêter cette sorte d'hémorragie du temps dans laquelle nous sommes précipités. Merci de votre attention. Merci à toi, cher François. C'est vraiment un bonheur de t'entendre et je crois que nous comprenons en t'écoutant et en te lisant à quel point cela peut nous rendre meilleurs. Et je crois qu'on vient d'en avoir la démonstration. En entrant dans cette salle, le mot disponibilité est éteint parmi d'autres. Maintenant, je mesure le poids de ce mot et comment il peut me désenliser.